Les troupiers américains qui élèvent par étapes le degré des actions hostiles contre la République populaire démocratique de Corée ont disposé le 6 août le bombardier stratégique nucléaire B-1B, tristement célèbre, à la base de l'aviation Anderson à l'île de Guam. Selon eux, c'est pour faire face au cas échéant dans la péninsule coréenne. Cela montre la témérité de plus en plus dangereuse de la tentative américaine de mettre la main sur notre République manu militari.